Romance de Joconde, chantée par Monsieur Fugère de l'Opéra Comique. Extrême, on veut fuir ce qu'on aime, on prétend se venger, on jure de changer, on devient infidèle, on court de belle en belle, on court de belle en belle. Et l'on revient toujours à ses premiers amours. Et l'on revient toujours, toujours à ses premiers amours, à ses premiers.